إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا قبله شيء، وهو الآخر فلا بعده شيء، وهو الظاهر فلا فوقه شيء، وهو الباطن فلا دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré, et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Il est le premier que rien n'a précédé, et le dernier que nul ne succédera. Il est au-dessus de tout, et rien n'est au-dessus de lui. Et ceci ne l'empêche pas d'être plus proche de ses serviteurs que ne l'est leur veine jugulaire. Et c'est lui le parfaitement connaisseur. وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Il a transmis le message qui lui fut confié, il fut loyal envers ses engagements, et il prodigua de sages conseils à la communauté. Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi, et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, à ses proches, à ses bien-aimés, à ses compagnons, et à tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Mes chers frères et sœurs, ceci est notre sixième rencontre parmi les rencontres de notre série Marahil Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Une série rassemblant la jurisprudence funéraire, Fiqh al-Janaiz, et l'attendrissement des cœurs, Ar-Raqa'iq, dans une époque et dans un temps où les gens sont devenus dépendants de leur passion, où les gens ne font suivre que leurs désirs, et ce qui a ainsi entraîné la dureté de leur cœur et l'insensibilité de leur regard et leur insouciance quant à la demeure dernière. Nous avions certes évoqué lors de notre dernière rencontre ce qu'il consistait à faire après la sortie de l'âme, à savoir d'une part ne pas gémir sur le mort, s'empresser d'acquitter ses dettes et ne pas annoncer sa mort de façon interdite, et d'autre part lui fermer les yeux, lui maintenir sa bouche fermée, lui assouplir ses articulations, le déshabiller puis le couvrir complètement. Mais un autre problème se pose, car en effet il faut absolument acquitter les dettes du mort. Et nous avions certes cité plusieurs preuves et plusieurs hadiths authentiques démontrant que l'âme du croyant était certes emprisonnée de ses dettes et que seul Allah savait où elle était emprisonnée. Et nous avions également dit que cette âme était certes tourmentée et touchée par des angoisses et des tristesses, comme nous le dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Tirmidhi, selon Abi Hurayrat radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, l'âme du croyant est emprisonnée par ses dettes jusqu'à ce qu'elle soit acquittée. Et le problème qui se pose, mes chers frères et sœurs, est que certes, lors de sa mort, le prophète alayhi salatu wassalam avait des dettes de quelques dirhams pour un juif. Mais nous répondons à ce problème en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait certes laissé un objet en tant que garantie pour ces juifs, et cet objet était un bouclier. Et nous tirons ainsi de ce hadith que nous pouvons garantir la dette afin de l'alléger. Et aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous parlerons de la préparation du mort. Car certes, le musulman mort est sacré auprès d'Allah et Azza wa Jal. Son entourage se doit ainsi de le préparer avant son enterrement. Et la première chose à effectuer est que l'entourage du mort se doit de se précipiter lors de la préparation du mort. Et cela en s'appuyant sur le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Abi Hurayrat radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dépêchez-vous en portant le brancard. Et nous nous appuyons sur ce hadith, car en effet celui-ci nous ordonne de nous dépêcher en portant le brancard. Et à ce sujet, nos savants ont dit que si le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de nous dépêcher lors du cortège funéraire avec toute la difficulté qui touche les porteurs, alors le fait de se précipiter lors de la préparation du mort devient alors une priorité. Voilà sur quoi nous nous appuyons pour affirmer l'importance de se précipiter lors de la préparation du mort. Et certes, nous ne nous appuyons pas sur des hadiths évoquant l'obligation de se dépêcher lors de la préparation du mort, comme celui qui dit « honorer le mort, c'est l'enterrer » ou celui qui dit « il ne faut pas que le cadavre du musulman reste longtemps chez sa famille ». Car certes, ces hadiths sont faibles, et certes, ils ne peuvent être considérés comme preuves. Donc il est ainsi clair, par la grâce d'Allah et Jalla wa Ala, qu'il faut que la famille du mort se précipite pour le préparer. Et c'est certes ce que l'on faisait à l'époque du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, mais ce que font beaucoup de gens de nos jours en retardant la préparation du mort et en le laissant un jour ou deux, soi-disant pour attendre les personnes absentes qui n'ont pas encore vu le mort. Cela est un méfait et cela est une injustice pour ce mort. Pourquoi cela? Car il se peut que ce mort soit parmi les gens du paradis. Et alors ne pas se dépêcher lors de sa préparation et lors de son enterrement serait ainsi la cause de son retard lors de son entrée au paradis et la cause de son retard lorsqu'il jouira de ses délices. C'est donc une injustice pour le mort. Il nous incombe donc de se précipiter lors de la préparation du mort. Et nous faisons cela pour appliquer la tradition prophétique, la sunnah de notre prophète alayhi salatu wassalam. Mais si quelqu'un nous dit, comment dites-vous et comment prétendez-vous que le fait de se dépêcher en préparant le mort est une sunnah, alors que les compagnons ont certes retardé l'enterrement du messager d'Allah alayhi salatu wassalam? En effet, il est décédé le jour du lundi et il n'a été enterré que la nuit du mercredi. Alors nous leur donnons une réponse. La réponse est, mes chers frères et sœurs, que certes, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est mort, les compagnons étaient préoccupés. Et les compagnons étaient certes chargés d'une lourde responsabilité, une responsabilité à l'échelle de la communauté musulmane, une responsabilité à l'échelle du monde musulman, à l'échelle de la société musulmane. En effet, mes chers frères et sœurs, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est mort. Ainsi, les compagnons étaient chargés de désigner un calife afin que l'autorité et afin que le pouvoir demeure sur la communauté musulmane. Ainsi, lorsqu'ils choisirent et lorsqu'ils désignèrent Abu Bakr radiallahu anhu comme calife, ils se précipitèrent afin de le préparer, afin de préparer le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et de l'enterrer. Et il est vrai, mes chers frères et sœurs, que lorsque la famille se met à préparer le mort, il se peut que ceux-ci s'oublient et se laissent aller. Car la mort est un grand malheur. La mort est une grande catastrophe, al-musibatul kubra. Et ainsi, ils peuvent oublier de manger. Et ils peuvent oublier de préparer à manger. Et c'est ici qu'intervient le rôle de la communauté musulmane. C'est ici qu'intervient le rôle de la société musulmane, qui se doit d'être tel un édifice renforcé sur de bonnes bases, et qui se doit d'être tel un corps unique dans lequel, lorsqu'une partie faiblit, une autre est présente pour la renforcer. Ici intervient le rôle des musulmans parmi les voisins et parmi les proches. Pourquoi cela ? Pour consoler et réconforter la famille du mort. Et comment cela ? En leur préparant à manger. Car ils sont certes très préoccupés, et la preuve en est ce que l'imam Abu Daoud ainsi que l'imam Ibn Majah et l'imam Tirmidhi rapportent, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abdullah ibn Ja'far, radiallahu anhuma. Celui-ci nous dit, lorsque Ja'far est mort, le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé et dit: allez préparer de quoi manger à la famille de Ja'far, car elle est certes touchée par ce qui lui préoccupe. Et certes Aïcha radiallahu anha ordonnait de préparer une soupe pour le malade et pour la famille du mort, comme il fut rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Aïcha, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: at-tilbinatu soulage le cœur du malade. Et c'est certes une sorte de soupe à base de farine et de miel qui soulage le cœur du malade et qui fait disparaître ses chagrins. Alors nous devons de consoler la famille du mort et de leur préparer de quoi manger afin de partager ensemble leurs chagrins. Mais il ne faut pas en abuser. Mais il ne faut pas exagérer, car mes chers frères et sœurs, beaucoup de gens envoient de la viande et envoient des moutons égorgés et des sacs de nourriture, à un tel point que la maison du mort prend un aspect de mariage. Et c'est ce qu'on le remarque ces jours-ci entre les musulmans. Il y a eu rupture de lien de fraternité et il y a eu absence de miséricorde. Et ce ne sont ni les voisins ni les proches qui préparent à manger. Ceux qui s'en occupent est la famille du mort elle-même. Et nous avions certes entendu qu'une famille a égorgé deux moutons et ibad Allah, deux moutons, mais ceci n'avait pas suffi. Alors ils se trouvaient obligés d'égorger un veau pour le donner à qui ? Pour le donner aux gens qui sont venus pour les consoler. Et la famille de ce mort exagère ainsi. Et cela est certes une innovation dans la religion d'Allah. Et en plus de cela, ils peuvent commettre des péchés. Un exemple, si ce mort a laissé des orphelins derrière lui, et alors vient la famille du mort prendre de leur argent pour préparer son festin, ou ce qu'ils appellent le dîner du mort, alors que sa famille, afin que sa famille et afin que ses voisins mangent injustement des biens des orphelins, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre, et certes ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Alors il est certes interdit de préparer ces festins, et ils ne seront du tout utiles pour le mort. Et ceci est une innovation dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et écoutez comment raisonnaient les compagnons radiallahu anhum. Écoutez ce que nous dit le compagnon Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiallahu anhu. Celui-ci nous dit: nous considérions le rassemblement chez la famille du mort et la préparation du repas après son enterrement comme faisant partie du gémissement et des lamentations sur le mort. Iwallah, incroyable ce que font les gens. Ils égorgent les moutons, ils en mangent leur viande, boivent du thé, du café, des gâteaux. Inimaginable, loin de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la première chose, mes chers frères et sœurs, la première chose à effectuer lors de la préparation du mort est de préparer à manger à la famille de celui-ci. Et ensuite vient la deuxième étape, le lavage du mort. Le lavage du mort est dans la législation islamique une obligation qui, une fois accomplie par une partie des musulmans, n'est plus obligatoire pour le reste des musulmans, à savoir fardun kifaya. Et le lavage du mort, mes chers frères et sœurs, est certes parmi les droits les plus importants du musulman. Le fait que le musulman lave son frère afin que celui-ci rencontre son créateur Jalla wa Ala avec la meilleure hygiène possible. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit sur l'homme qui s'est fait écraser par son chameau: lavez-le avec de l'eau et du lotus. Et ce hadith prouve bien que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas obligé à tous les musulmans de laver ce mort. Et donc si quelqu'un lave ce mort, le lavage ne sera plus obligé pour le reste des musulmans. Ainsi, telle est la loi juridique du lavage du mort. Et les savants de la jurisprudence al-fuqaha ont certes précisé que si l'on avait besoin d'argent pour laver ce mort, on le prendrait de son héritage. Et si celui-ci n'avait pas laissé d'héritage, alors on le prendrait des gens sur qui il dépensait de son vivant, comme sa famille par exemple. Et si on ne trouvait personne, alors ce serait aux musulmans d'intervenir en fournissant les besoins nécessaires au lavage. Donc si un jour on vient nous dire qu'il y a un mort, mais que celui-ci n'a laissé ni héritage, et ni famille, et ni personne sur qui il dépensait de son vivant, alors il ne sera obligé d'aider la famille de ce mort. Le lavage du mort, mes chers frères et sœurs, le lavage du mort est une adoration éminente. Et Allah Jalla wa Ala récompensera certes celui qui l'accomplira, car elle représente un honneur pour le mort, son cadavre et son âme, comme il fut rapporté par l'imam al-Hakim, selon les conditions de l'imam muslim, et qui fut approuvé par l'imam al-Dahabi et par Sheikh al-Albani rahimahullah, et également rapporté par l'imam al-Bayhaqi, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui a lavé un mort et tué ses défauts, Allah lui pardonnera 40 fois. Et ce hadith est authentique. Et on ne citera certes jamais un hadith sans que celui-ci ne soit authentique. Alors sachez que quiconque se tait de ce qu'il a vu comme défaut physique ou moral, Allah lui pardonnera 40 fois. Mais certes, telle est la condition. Il est interdit de dire ou de citer ce que l'on a vu comme défaut de ce mort. Le lavage du mort, mes chers frères et sœurs, le lavage du mort fait certes attendrir les cœurs. Et cela sans aucun doute. Le lavage du mort rend le serviteur ascète dans la vie d'ici-bas. Car certes, le serviteur s'imaginera lui-même à la place de ce mort. Mais cela n'arrive malheureusement qu'aux croyants véridiques. Car en effet, il y a des gens qui ont pris comme métier le lavage des morts. Et ils ne pensent alors qu'à gagner de l'argent avec ce métier. Jusqu'à trouver des gens, mes chers frères et sœurs, souhaiter qu'il y ait plus de morts pour gagner plus d'argent en les lavant. Et tu les trouves ainsi, attachés à leur désobéissance et attachés à leur perversité, alors qu'ils lavent chaque jour une dizaine de morts. Et cela est la preuve de la dureté de leur cœur, comme s'ils lavaient une planche et non un mort. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Il fut rapporté par l'imam al-Tabarani, avec une chaîne de transmission bonne, selon Abi Umamah al-Bahili, radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque lave un mort en le voilant, Allah lui voilera de ses péchés. Et de là, mes chers frères et sœurs, une question se pose: qui est-ce qui doit laver le mort? Et quelles sont les personnes les plus en droit de laver un mort? Alors la première personne qui doit laver le mort, mes chers frères et sœurs, est celle que celui-ci a désignée dans son testament. Oui, en effet, le mort peut désigner dans son testament la personne qui se chargera de le laver et de le préparer pour l'enterrer. Et la preuve en est que Abu Bakr radiallahu anhu a désigné sa femme pour le laver lors de sa mort, ainsi que Fatima radiallahu anha a désigné son mari Ali ibn Abi Talib pour qu'il la lave également. Mais certes, si le mort n'a désigné personne, alors le mieux est que ce soit une personne de sa famille qui a des connaissances dans le lavage du mort. Et dans le cas où il n'y ait personne de sa famille, alors n'importe quel musulman connaissant la science concernant le lavage du mort. Et de plus, il est autorisé que la femme lave son mari et que le mari lave sa femme. Et cela, selon la preuve rapportée par l'imam Abu Daoud et par l'imam Ibn Majah, qui rapporte un hadith dont la chaîne de transmission est authentique. Selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci avait désiré fortement que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam se fasse laver par ses femmes. Et cela prouve qu'il est autorisé que la femme lave son mari. Et l'inverse également, avec une chaîne de transmission authentique, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Ad-Darami, selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci nous dit: un jour le prophète alayhi salatu wassalam est revenu d'une prière sur un mort. Et j'avais un mal de tête. Alors je dis: oh, quel mal de tête! Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit: c'est à moi plutôt de dire oh, quel mal de tête. Puis il ajouta: quel mal aurais-tu? Si tu mourrais avant moi, je te laverais, je te mettrais dans ton linceul, puis je prierai sur toi et je t'enterrerai. Ces hadiths prouvent donc qu'il est autorisé que la femme lave son mari et que le mari lave sa femme. Et il n'y a aucun mal à cela. Donc l'homme peut laver sa femme comme la femme peut laver son mari. Mais faites bien attention, la femme n'a le droit de laver que son mari. Elle ne peut ainsi laver ni son père, ni son frère et ni son fils, et personne parmi les hommes excepté son mari. Tout comme l'homme ne peut laver que sa femme. Et il ne peut laver donc ni sa mère, ni sa sœur, ni sa tante et ni sa fille, et personne d'autre parmi les femmes excepté la sienne. Et les savants ont certes accepté les cas suivants. Le cas où un petit garçon de moins de 7 ans meurt, alors celui-ci peut être lavé par les femmes. Tout comme le cas où une petite fille de moins de 7 ans meurt, celle-ci peut être lavée par les hommes. Et la preuve en est le fait que Ibrahim radiallahu anhu, le fils du prophète alayhi salatu wassalam, lors de sa mort a été lavé par les femmes. Et une autre question se pose. Si un homme meurt parmi les femmes, alors qui doit le laver? Certains ont dit qu'il faut le recouvrir avec de la terre propre pour lui faire l'ablution sèche, at-tayammum. Et l'on ferait certes la même chose si une femme meurt parmi les hommes. Mais certes, cet avis est faible. Car l'ablution sèche, at-tayammum, n'a aucune utilité pour le mort. Celui-ci n'adorera pas Allah avec cela. Car en effet, mes chers frères et sœurs, quel est le but du lavage du mort? Quelle est sa finalité? Le but du lavage du mort est que le mort soit propre. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Lavez-le avec de l'eau et du lotus ». Et il a certes dit également aux femmes qui ont lavé sa fille « Lavez-la à 3 ou 5 ou 7 reprises ou plus que cela si vous le jugez utile avec de l'eau et du lotus ». Et cela a été dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim selon Ummu Atiyah radiallahu anha. Et ces hadiths prouvent donc que le but du lavage du mort est la propreté du mort. Alors que dans le cas qu'on a cité, si un mort meurt parmi les femmes, il faut ainsi donc l'enterrer tel qu'il est. Et cela s'applique également pour l'homme qui meurt brûlé, celui qui meurt avec des membres coupés. Toutes ces personnes, on ne peut les laver et on les met ainsi dans leur linceul et on les enterre tels qu'ils sont. Le lavage du mort, mes chers frères et sœurs, est une adoration qui apporte des récompenses d'Allah et Azza wa Jal. Et sachez également que l'adoration ne peut être acceptée que d'un musulman croyant. Il ne sera point accepté d'un mécréant. Alors il est certes interdit que le musulman lave le mécréant, ou que le mécréant lave le musulman, car l'impureté, mes chers frères et sœurs, l'impureté ne se purifie pas. Et la preuve en est ce qu'Allah a dit dans Surat At-Tawbah. Allah nous dit, et ne fais jamais la prière sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, car ils n'ont pas cru en Allah et à son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. La preuve de ce verset, comme les savants ont dit, est que la chose la plus grande qui soit utile pour le mort est la prière sur lui. Et Allah nous a certes interdit de prier sur les mécréants, alors que c'est la chose la plus utile pour les mécréants. Alors certes, toute action dans le degré est moins utile que la prière, comme le lavage est forcément interdit. Et il est donc interdit aux musulmans de laver le mécréant, et donc également de le mettre dans son linceul et vice-versa. Car mes chers frères et sœurs, le mécréant n'a pas de valeur pour Allah Jalla wa Ala, et il n'est pas sacré pour Allah Azza wa Jal. Et en ce qui concerne son enterrement et son cortège funéraire, on en parlera bi-idhnillah dans d'autres discours. Ceci concernait donc la loi juridique du lavage du mort, ainsi que la récompense de celui qui l'effectue, et les personnes les plus en droit de laver le mort. Mais rentrons maintenant au vif du sujet. Comment laver un mort? La première étape consiste à soulever le mort du sol, et cela en l'établissant sur une planche, car en effet cela est plus propre pour lui. En effet, si on le lave par terre, il sera difficile pour le nettoyer et le purifier, et il est donc préférable de l'établir sur une planche pour le purifier. Il est également autorisé de diriger les pieds du mort vers la Qibla. Car en effet, nous sommes maintenant convaincus qu'il est mort. Nous avions auparavant affirmé qu'il ne fallait pas diriger l'agonisant dans la direction de la Qibla jusqu'à sa mort, ce qui est le cas maintenant. Donc il est autorisé de diriger les pieds du mort vers la Qibla. Et de plus, mes chers frères et sœurs, il faut craindre Allah envers ce mort. Craindre Allah en cachant ses parties intimes. Avant de commencer le lavage, il était entièrement couvert. Ainsi, on enlève le drap ou la couverture tout en posant une serviette ou un petit drap non transparent afin de cacher ses parties intimes entre le nombril et ses genoux. Et ceci s'applique aux femmes comme pour les hommes, car les parties intimes pour la femme envers les femmes sont identiques à celles de l'homme envers les hommes, à savoir du nombril jusqu'au genou. Donc si nous désirons la récompense d'Allah, nous nous devons de couvrir ce mort. Ensuite, pour respecter ce mort, les savants ont également dit qu'il ne faut pas laver le mort dans un endroit où tout le monde peut le voir. Car le mort musulman est sacré pour Allah. Alors cachons-le et lavons-le dans une pièce isolée, dans laquelle personne ne rentre avec celui qui lave, excepté le cas où cette personne aurait besoin d'une deuxième personne pour l'aider. Mais si cette personne peut effectuer le lavage toute seule, alors que personne ne rentre avec lui. Puis après l'avoir soulevé du sol, avoir dirigé ses pieds vers la Qibla, et avoir respecté et préservé son honneur en ayant caché ses parties intimes et en l'ayant installé dans une pièce isolée, il faut prendre un gant ou un morceau de tissu avec lequel on nettoie le mort, avec de l'eau dans laquelle il est préférable de mettre dedans un peu de lotus. Comme nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam, lavez-le avec de l'eau et du lotus. Le lotus, mes chers frères et sœurs, est de la poudre fabriquée à partir de feuilles provenant d'un arbre connu. Ces feuilles ont été laissées sécher, puis écrasées, puis mélangées avec de l'eau, ce qui a produit une sorte de mousse. Et certes, si on ne trouve pas de lotus pour suivre la sunna, il est autorisé de laver avec du savon. Et l'eau avec laquelle on lave le mort doit être pure et froide, car elle durcit les articulations du mort. Mais il est autorisé de la chauffer si elle est trop froide. Et on peut ainsi la chauffer avec du feu de gaz, ou du feu électrique, ou du feu de bois. Et nous faisons remarquer cela, car certes beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas chauffer l'eau, ou bien qu'il ne faut chauffer l'eau qu'avec du feu de bois d'olivier ou de branches de palmier, car ce sont soi-disant deux arbres bénis. Mais cela est certes faux, car cela n'a aucune origine islamique. Ainsi, il est autorisé de chauffer l'eau de n'importe quelle façon. Et il y a également une chose sur quoi il faut vous avertir, mes chers frères et sœurs. Une chose que beaucoup de gens pensent. Ils prétendent que si le mort se fait laver avec de l'eau de Zamzam, il aura telle récompense, et cela n'est tiré d'aucune preuve. Et n'a aucun rapport avec la religion d'Allah Jalla wa Ala, car les hadiths cités évoquant le bienfait de boire l'eau de Zamzam concernent le fait de boire cette eau, et non le fait de laver avec cette eau. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « L'eau du puits de Zamzam est nourrissante et guérit le malade ». Et certes, ni le prophète alayhi salatu wassalam, ni ses compagnons, et ni ceux qui l'ont suivi, ont dit qu'il était préférable de laver le mort avec de l'eau de Zamzam. Alors lavons le mort avec de l'eau propre, et y introduisant du lotus ou du savon. Ensuite, nous soulevons légèrement sa tête, de telle façon qu'il ne soit ni debout ni allongé, afin d'essorer son ventre en douceur. Car les savants ont dit afin que les muscles du mort se relâchent. Et une fois que les muscles se sont relâchés, on le met dans cette position, puis on essore son ventre en douceur. Afin que toutes les impuretés et tous les excréments qui devaient sortir de son ventre sortiront à ce moment-là. Car en effet, si on laisse le corps sans essorer son ventre, les impuretés risqueraient de sortir après l'avoir introduit dans son linceul et dans son brancard pour l'enterrer au cimetière. Et il deviendrait dans ce cas-là impur. C'est pour cela que l'on se doit d'essorer son ventre en douceur. Puis ensuite, verser beaucoup d'eau sur l'endroit où se trouve cette impureté. Et tout cela est à faire sans regarder ses parties intimes. Et il n'y a aucun mal pour la personne qui lave de mettre du parfum près d'elle pour qu'elle ne soit pas dégoûtée. Ensuite, faire entrer sa main gauche dans un gant sous une serviette afin de purifier l'endroit d'où sort l'impureté. Comme fait le vivant, sauf qu'il est interdit qu'elle touche ses parties intimes avec sa main. C'est pour cela qu'elle va utiliser un gant. Et après avoir purifié l'endroit d'où est sortie l'impureté, la personne enroule autour de son index et de son pouce un morceau de tissu mouillé afin qu'elle lave le nez, les narines et la bouche du mort. Et tout cela sans introduire de l'eau. Puis elle lui fait faire les ablutions comme celle que fait le vivant. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit à celles qui ont lavé sa fille Zaynab radiallahu anha, commencez par les membres droits et les endroits des ablutions. Et cet acte est donc préférable. Car dans le hadith général du lavage, le prophète alayhi salatu wassalam a dit lavez-le avec de l'eau et du lotus. Il n'a pas cité la façon avec laquelle il faut le laver, ni les ablutions. Et les savants ont de plus dit que le hadith de Umm Atiyah prouve que lui faire les ablutions est une action préférable. Ensuite, mes chers frères et sœurs, il faut verser de l'eau mélangée avec du lotus ou du savon pour le laver entièrement. En commençant par sa tête, puis la partie droite de son corps, puis la partie gauche, tout en étant sûr que l'eau passe sur tout le corps et en insistant sur son dos et son postérieur. Et bien évidemment, nous vous répétons qu'il ne faut en aucun cas regarder ses parties intimes. Ainsi, ceci constitue le premier lavage. Et ensuite, il faut alors refaire l'essorement du ventre, car celui-ci doit être fait avant chaque lavage. Tel ce qu'on dit nos savants, afin que la personne soit certaine que son ventre soit vidé de toute impureté. Puis la personne le lave et s'assure de sa propreté et de sa pureté. À savoir qu'il faut éviter l'eau trop chaude car elle risque de décomposer sa peau. Ensuite, la personne peut le sécher légèrement à l'aide d'une serviette comme nous le verrons plus tard. À savoir que les savants ont de même précisé que si en le lavant des impuretés sortent, il faut alors laver l'endroit d'où sort l'impureté et lui faire faire les ablutions si cela se passe avant le septième lavage. Car en effet, il est autorisé de le laver à des reprises impaires. Et on peut le laver plus de 7 fois. Car le prophète a.s.w. a dit, en parlant de sa fille, lavez-la à 3, 5, ou 7 reprises ou plus, si vous le jugez utile. Autrement dit, c'est la personne qui lave, qui juge combien de fois elle le lave, afin que le mort soit entièrement propre. À savoir qu'il est préférable de mettre lors du dernier lavage dans l'eau une petite quantité de camphre. Car le prophète a.s.w. a dit dans le hadith de Umm Atiyah, et introduisez lors du dernier lavage du camphre ou une petite quantité de camphre. Et les savants ont dit que le camphre a 2 utilités. Premièrement, il durcit et refroidit les articulations du mort. Et deuxièmement, il dégage de lui les insectes et les vermines. Par contre, il faut éviter le camphre à celui qui meurt en état de sacralisation. Pourquoi cela? Car certes, le parfum est interdit pour cette personne de son vivant, comme lors de sa mort. En effet, cette personne est morte en état de sacralisation, c'est-à-dire lors de son pèlerinage. Il faut donc ni l'embaumer, ni lui mettre du camphre dans l'eau avec lequel il sera lavé. Mais il est autorisé pour le reste des gens, même pour les femmes, de mettre du camphre dans l'eau lors de son lavage. Car le prophète a.s.w. l'a ordonné aux femmes qui ont lavé sa fille. Voici mes chers frères et sœurs ce qui concerne la façon de laver un mort. Et revenons dès à présent à ce qui fait attendrir les cœurs. Et revenons dès à présent à ce qui fait augmenter la foi une autre fois. Imaginez-vous mes chers frères et sœurs sur une planche de lavage. Wallah, je te vois comme si tu n'entendais pas. Je te vois comme si tu ne répondais pas et que tu ne parlais pas. Wallah, je te vois comme si ton ventre se faisait essorer. Et alors tous tes secrets seraient dévoilés et ton odeur se ferait dégoûter les gens. Et les yeux auraient peur du fait de te voir. Alors souviens-toi. Souviens-toi de ce que le poète a dit. S'est levé celui que j'aimais le plus parmi mes bien-aimés. Et il s'est alors précipité vers le laveur pour qu'il vienne effectuer le lavage. Est venu alors un homme parmi eux qui m'a dévêtu. Il m'a dénudé, il m'a laissé tout seul, isolé. Et il m'a établi sur la planche, tout terrassé. Et alors se fit entendre le bruit de l'eau pour me purifier. Il versa l'eau au-dessus de moi pour me laver à 3 reprises. Puis les gens furent appelés pour apporter le linceul. Wa qama man kana ahabbu an-nas fi 'ajalin نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح ممتلحا وصار فوقي خليل الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن. J'implore Allah تبارك وتعالى qu'il ne rejette pas l'invocation des invocateurs et qu'il soit miséricordieux envers nous à ces moments-là et qu'il nous destine une personne qui connaît la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, la sunna du meilleur des messagers, du plus noble des prophètes عليه الصلاة والسلام, afin que cette personne effectue notre lavage lors de notre mort. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Ensuite, mes chers frères et sœurs, certains savants de l'école des Hanbalites, l'école de l'imam Ahmed, ont dit qu'il était également préférable de couper les ongles du mort ainsi que sa moustache et les poils du bas-ventre et de ses aisselles si ceci pousse beaucoup, car ceci fait partie de la nature humaine al-fitra. Et le mieux est de les mettre dans un morceau de tissu qu'on introduira dans son linceul, et ceci afin qu'il soit enterré avec le mort. Mais il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle, Car certes, les sorciers les utilisent pour faire de la sorcellerie, wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Il faut savoir également que ce ne sont pas uniquement les adultes qui se font laver, mais les petits-enfants également. Et l'âge limite est de 4 mois, c'est-à-dire lorsqu'il a atteint 4 mois dans le ventre de sa mère, à un stade qu'on appelle fœtus, et qu'il meurt alors, il se fait laver. La seule condition est qu'il ait atteint 4 mois. Car le prophète alayhi salat wa salam, comme il fut rapporté dans les recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhuma, celui-ci a dit, le prophète alayhi salat wa salam a dit, la chose à partir de laquelle vous êtes créés est rassemblée en un peu de liquide dans le ventre de votre mère pendant 40 jours. Puis il devient une adhérence pendant une période similaire. Puis il devient une mâchure pendant une période similaire. Puis Allah envoie un ange qui insuffle l'esprit. Alors un fœtus qui meurt et qui a atteint 4 mois ou plus, on doit le laver et le mettre dans un linceul. Et on prie sur lui et on l'enterre avec les musulmans. Et on invoque Allah afin qu'il fasse miséricorde sur ses parents. Et les savants ont de même dit qu'il est préférable de lui attribuer un nom appréciable. Car les hommes se feront appeler par leur nom et les noms de leurs parents le jour de la résurrection. Mais si le fœtus meurt avant 4 mois, alors il ne se fait ni laver, ni mettre dans son linceul, ni enterrer, et on ne prie pas sur lui car celui-ci n'est pas un être humain. Sont exclus également du lavage des morts les martyrs, ceux qui se sont battus pour lever haut la parole d'Allah et Azza wa Jal, ou pour purifier la terre de l'impureté des agresseurs. Les martyrs qui sont morts pour que la ilaha illallah soit la parole la plus élevée. Cela, il est donc interdit de les laver. Et la preuve en est ce que le prophète alayhi salatu wassalam, comme il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, dans le livre des conquêtes, selon Jabir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné d'enterrer les martyrs de la bataille de Uhud avec leurs vêtements et leur sang. Et il n'a pas ordonné de les laver. Et dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je suis témoin de ces martyrs, mettez-les dans leur tombe avec leur sang, car quiconque reçoit une blessure dans le sentier d'Allah viendra le jour de la résurrection avec cette blessure saignante, sa couleur sera celle du sang et son odeur sera celle du musc. Et cela même si le martyr meurt en état de janab, même si le martyr meurt en état d'impureté majeure, l'avis favorable est de ne pas le laver. Et en ce qui concerne le récit d'un religieux ou du fils du religieux radiallahu anhu, dont la chaîne de transmission est à discuter, et si cette chaîne est authentique, alors ce sont les anges qui l'ont lavé pour l'honorer, car il a été dit qu'il est sorti de chez lui en ayant une impureté majeure, puis qu'il est mort comme martyr lors de la bataille. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les anges le lavent entre la terre et les cieux pour l'honorer. Il est donc interdit de laver les martyrs, car ils n'en ont pas besoin. Et les savants ont certes dit que si un martyr se blesse lors de la bataille, mais qu'il ne meurt pas, et qu'il reste un moment avec cette blessure, qu'il mange et boit, puis qu'il meurt quelques instants plus tard, on doit le laver, et on prie sur lui. Et la preuve en est ce que l'imam al-Bukhari et l'imam muslim rapportent. Que Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu a été gravement blessé lors d'une bataille, en l'an 6 de l'Hijra. Mais il a demandé à Allah qu'il ne le fasse pas mourir, jusqu'à ce qu'il soit tranquillisé sur Bani Quraïda. Et alors Allah a exaucé son invocation. Car certes, c'est celui qui fut le juge et qui a jugé sur Bani Quraïda. Et le prophète alayhi salatu wassalam a attesté que son jugement était le jugement d'Allah provenant des sept cieux. Mais Sa'd ibn Mu'adh n'a pas guéri de ses blessures. Et le sang se mit à couler jusqu'à sa mort. Radiallahu anhu. Et alors ils l'ont lavé, mis dans son linceul et prié sur lui alors qu'il s'est blessé lors de la bataille. Mais certes sa mort est survenue un peu après la bataille. Et certes l'imam muslim rapporte, selon Jabir radiallahu anhu, que lorsque Sa'd est mort, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le trône d'Allah jalla wa ala a bougé pour la mort de Sa'd. Et les savants ont dit que le trône d'Allah a certes bougé par joie du fait que son âme monte au ciel, radiallahu anhu arda, qu'Allah soit satisfait de lui et que le paradis soit sa demeure. Et concernant encore ce sujet, les savants ont de même dit que si on trouve un mort dans un champ de bataille, mais qu'on ne voit pas de signe de blessure ni de signe par lequel il est mort, alors cette personne doit être lavée et on doit prier sur elle, car elle est considérée comme étant morte naturellement. Et parmi les innovations, mes chers frères et sœurs, parmi les innovations que beaucoup de gens font lors du lavage du mort, le fait d'établir la planche de lavage près de la porte d'entrée pendant 3 jours, pour prétendre et pour dire qu'il y a eu un mort dans la famille. Cela certes est une innovation dans la religion d'Allah et Azzawajal. Ou d'autres qui se font des fausses pensées et qui se font des fausses imaginations. Ils pensent par exemple que l'âme du mort vole autour de lui dès qu'on commence à le laver. Et cela est faux, mes chers frères et sœurs, car cela n'a aucun lien avec les sources islamiques. Car l'âme, ayyuhal mu'minoun, l'âme, vous les croyants, l'âme, lorsqu'elle quitte le corps, elle ne fait pas ce qu'elle veut. L'âme ne fait pas ce qu'elle désire. N'oubliez pas que nous avions certes dit auparavant que l'âme du croyant est élevée dans le ciel et que l'âme du mécréant est jetée et descendue au fin fond de la terre. Alors certes, l'âme ne fait pas ce qu'elle désire et l'âme ne fait pas ce qu'elle souhaite. Car certaines personnes pendant la vie présente et pendant la vie de ce bas monde appellent sans cesse à la liberté personnelle et appellent sans cesse à la liberté sexuelle afin de commettre des interdictions et afin de commettre les turpitudes et afin de désobéir au Créateur des cieux et de la terre. Alors à ces gens-là, nous leur disons: désobéissez, commettez ces péchés, commettez vos turpitudes, égarez-vous, défoulez-vous dans ce bas monde. Mais bi'idnillahi azza wa jal, vos âmes ne feront pas ce qu'elles veulent. Et vos âmes ne feront pas ce qu'elles souhaitent. Mais bien au contraire, elles seront conduites vers ce qu'Allah leur a promis. Et elles seront conduites vers l'ordre d'Allah et vers le jugement d'Allah, le contraignant des cieux et de la terre. Et ce que nous venons de dire est une réponse à ceux qui croient à la réincarnation, une secte égarée qui prétendent que lorsque l'âme sort du corps, elle rentrera dans un corps de pigeon ou dans un corps d'un animal ou d'autre. Et cette croyance est certes une croyance de mécréants. Et là, il y a également un hadith qui prouve qu'Allah Jalla wa Ala honore l'âme du croyant. Car en effet, les anges la font monter et l'emmènent vers Allah Ta'ala. L'emmènent vers Allah le Très-Haut. Et les âmes des croyants la reçoivent alors. Et cela, peut-être vous ne l'avez jamais entendu. Et vous allez l'entendre alors pour la première fois. Écoutez attentivement ce hadith, rapporté par l'imam al-Nasa'i, avec une chaîne de transmission authentique, comme l'a jugé Cheikh al-Albani, rahimahullah. Selon Abi Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque le croyant meurt, les anges de la miséricorde viennent à lui, portant avec eux un vêtement de soie blanche. Et alors ils s'adresseront à l'âme en lui disant: sors vers l'agrément et la satisfaction de ton Seigneur. Sors vers le repos et la miséricorde et la grâce d'Allah. Et l'âme sortira telle une odeur de musc, au point où les anges se la passeront les uns aux autres pour la sentir. Et cela jusqu'à ce qu'ils parviennent à la porte du ciel. Et alors on leur dira: qu'est-ce que cette odeur agréable qui provient de la terre? Et ils entendront ces propos à chaque fois qu'ils parviendront à un ciel, jusqu'à arriver aux âmes des croyants. Jusqu'à arriver aux âmes des croyants. Et celles-ci, plus heureuses qu'une famille qui attend l'arrivée de l'un des siens, diront: qu'a-t-il fait de cet homme? Et lui demanderont des renseignements sur les personnes mortes et vivantes. Qu'ont-elles fait? Et on leur répondra: laissez-le se reposer. Il était certes dans le tourment de la vie d'ici-bas. Et ils demanderont: qu'est devenu un tel? Est-il mort? N'est-il pas avec vous? Et alors on leur répondra: celui-ci a été jeté dans le Hawiya. Celui-ci a été jeté dans l'abîme très profond, wal'iyadu billah. L'abîme, ou bien un autre nom à la mer, qui est un autre nom de l'enfer. Et les savants ont dit qu'on a attribué comme nom à l'enfer la mer. La mer est le refuge de l'enfant, et ce genre d'enfer est le refuge des désobéissants. Puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le mécréant, quant à lui, recevra les anges du supplice, qui s'adresseront à son âme en lui disant: sors afin que tu subisses la colère d'Allah Azza wa Jal. Et elle sortira alors en dégageant une odeur puante, semblable à celle d'un cadavre, semblable à celle d'une charogne, et sera alors renvoyée à la porte de la terre. Alors mes chers frères et sœurs, l'âme ne fera pas ce qu'elle voudra, et l'âme n'agira pas comme bon lui semble lorsqu'elle quittera le corps. Et c'est pourquoi nous vous conseillons de ne pas parler sur les choses invisibles, de ne pas parler sur le monde invisible qu'avec de la science et qu'avec des preuves authentiques tirées du livre d'Allah, le Coran al-Karim, et tirées de la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Tel est le lavage du mort, mes chers frères et sœurs. Et nous parlerons bi'idnillahi jalla wa ala, par la volonté d'Allah jalla wa ala, si Allah destine que l'on soit vivant, du linceul lors du prochain discours. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous fasse mourir sur la foi et le monothéisme pur. Al-Iman wa al-Tawhid. Et qu'Allah évoque en bien auprès de lui dans ses grandes assemblées et préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et accorde sa bénédiction à son prophète ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul et que toute erreur ou omission ne peut provenir que du shaytan ou de votre humble serviteur. Et toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers.